Précédemment, nous avons étudié les traits marquants de ce qu'on a appelé la révolution scientifique moderne, qui a conduit à changer profondément la représentation que l'on se faisait de la nature. Au travers de l'étude de certains textes écrits par les auteurs ayant contribué à cette révolution scientifique, nous nous sommes intéressés aux nouvelles idées qui ont émergé au XVIe et XVIIe siècle en Europe. Maintenant, nous allons nous poser la question suivante. Comment expliquer cette révolution scientifique? Et surtout, comment expliquer qu'elle ait eu lieu en Europe? En effet, jusqu'à cette période, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, l'Europe affiche un net retard par rapport aux autres grandes aires de civilisation de ce qu'on appelle le vieux monde, c'est-à-dire le continent eurasiatique. C'est notamment par rapport au monde arabo-musulman, au monde indien, et puis plus encore au monde chinois. En effet, ce sont les Chinois qui apparaissent tout au long du Moyen Âge et encore au début de l'époque moderne, en pointe sur le plan technologique, hein, par exemple en astronomie, en mathématiques, mais aussi sur le plan technologique, par exemple dans le domaine des technologies militaires et nautiques. Du génie civil, de l'horlogerie, de la métallurgie. Il faut savoir que, en termes de production manufacturière, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et encore même jusqu'au début du XIXe siècle, la Chine est encore la première puissance économique mondiale. Hein, les Européens vont mettre beaucoup de temps en fait à dépasser les Chinois. Et sur le plan purement intellectuel, on voit que voilà, cette période 16e, 17e siècle, les Chinois semblent très en avance sur les Européens. Alors, vous essayez de comprendre, bah, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment est-ce que ça se fait que les Européens ont fait une espèce de bond dans le domaine de la connaissance, alors qu'ils étaient vraiment en retard? Donc, il s'agit de se demander, bah, quelles conditions ont permis aux Européens d'effectuer un bond en avant spectaculaire dans le domaine des sciences et des techniques. Donc on va présenter ici différentes explications possibles de cette transformation, de ce changement de mentalité, hein, qui arrive aux Européens à ce moment-là. On voit, je dis aux Européens parce qu'on voit que c'est que quand on a vu les différents auteurs, hein, Copernic, Galilée, Descartes, que c'est un phénomène qui s'est joué à l'échelle de l'Europe. Hein. Bon, même si c'était pas, on peut pas dire qu'il y a eu un pays en particulier. On voit que ça s'est fait en Italie, en France, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre. Il y a d'autres auteurs qu'on n'avait pas mentionnés, comme Kepler ou surtout Newton, hein, bon, qui arrive un petit peu à la fin, mais qui fait un peu la synthèse de cette révolution scientifique, qui est un peu considéré comme le vrai fondateur de la physique moderne. Bon, mais donc on voit que c'est un phénomène vraiment européen. Et on va essayer de comprendre un petit peu, bah, pourquoi, voilà, sur le continent européen, s'est opéré ce changement de mentalité qui a fait que bah, la science telle qu'on la connaît, d'une certaine façon, a commencé à vraiment émerger à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que ce ne sont pas, typiquement, pourquoi est-ce que ce ne sont pas les Chinois qui l'ont mise en place alors qu'ils avaient véritablement une grande avance en matière de connaissances sur les Européens? Alors, une première explication qu'on pourrait mobiliser, c'est celle de l'héritage grec. Hein, l'héritage grec, en effet, ce qu'on pourrait rappeler, c'est que la Renaissance, elle a été marquée par la redécouverte des travaux scientifiques des anciens Grecs. Hein, souviens que les Grecs avaient fait de grandes avances en matière, de grandes avancées en matière de mathématiques, de géométrie, d'astronomie. Par exemple, vous vous souvenez qu'au collège, vous avez étudié beaucoup de théorèmes de Thalès et Pythagore. Bon, bah, Thalès et Pythagore, c'était des savants grecs. La géométrie telle qu'on la maîtrise, enfin en tout cas jusqu'à des avancées plus récentes, la géométrie a été en grande partie synthétisée par Euclide, donc qui était aussi un savant grec de l'Antiquité. Donc les Européens, ils ont hérité des Grecs deux apports majeurs qui ont fait défaut pendant longtemps aux Chinois. D'abord, c'est l'idée d'une application de la géométrie pour comprendre le mouvement des corps dans l'espace. En fait, donc on a vu les Grecs ont élaboré la géométrie d'une façon un petit peu systématique, et ils avaient déjà l'idée qu'on pouvait comprendre la réalité au travers de la géométrie. Alors ça, notamment, c'est une idée qui était très forte chez les pythagoriciens, hein, l'idée que le monde réel, le monde matériel, pouvait être interprété au travers de la géométrie. Et quelqu'un qui est très influencé par Pythagore là-dessus, c'est par exemple c'est Platon. Pour Platon, au fond, la réalité est mathématique. Hein, ça, c'est une idée que développe Platon, que ce que nous voyons par nos sens, ce ne sont que des apparences. Hein, ce que nous voyons grâce à nos yeux, ce que nous pouvons toucher, voilà, ça, ce ne sont que l'apparence des choses. La réalité des choses, elle, est mathématique, hein, pour Platon. Il y a cette idée-là qu'on retrouve. Bon, deuxième idée dont héritent les Européens et que ne s'étaient pas faites les Chinois, mais idée qui vient des Grecs, c'est l'idée d'une théorie scientifique formelle fondée sur l'utilisation des mathématiques. Alors ça, vraiment, l'auteur donc j'ai cité un petit peu avant, qui élabore ça, c'est Euclide. Hein. Euclide, il construit une géométrie systématique, c'est-à-dire il nous dit, bah, les théorèmes de la géométrie, on peut les dériver d'un certain nombre de propositions élémentaires, de définitions. Vous vous souvenez, au collège, vous avez appris un certain nombre de définitions, et à partir de ces définitions, vous pouviez opérer des démonstrations dans le domaine géométrique. Et bien ça, en fait, c'est Euclide, hein, qui élabore ça dans l'Antiquité. Et donc, ces deux traits importants, l'idée qu'on peut comprendre la réalité grâce à la géométrie, et qu'on peut construire une théorie scientifique à partir d'un certain nombre de propositions dont on peut dériver d'autres propositions, ben ça nous vient des Grecs. Bon, alors cependant, dire que ce serait grâce à l'héritage grec que les Européens auraient fait leur bond scientifique en avant, un peu par rapport aux Chinois, ça ne suffit pas, hein. C'est pas une explication suffisante. Parce que si on dit juste ça, on se dit, bah oui, mais alors pourquoi est-ce que les anciens Grecs eux-mêmes n'avaient pas mis au point la science moderne telle qu'on la connaît? Hein, s'ils avaient ces théories mathématiques notamment, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait aussi, dès leur époque, ce bond en avant? Donc, on va dire que ça ne suffit pas. Deuxième chose, dans la civilisation arabo-musulmane, on avait redécouvert, depuis bien avant les Européens, hein, dès l'Antiquité, on avait redécouvert, dès le Moyen Âge, je veux dire, on avait redécouvert les travaux des Grecs, les théories scientifiques des Grecs, des siècles avant les Européens. En fait, les grands traités mathématiques, scientifiques des Grecs avaient été traduits en arabe bien avant d'être traduits en latin et d'être diffusés en Europe. En fait, les manuscrits étaient souvent conservés, par exemple, à Damas, au Caire, à Cordoue aussi, à la période où Cordoue était une ville musulmane. Donc, en fait, les Arabes avaient accès à cette théorie. D'ailleurs, ça leur a permis, tout au long du Moyen Âge, de faire de grandes avancées dans le domaine des mathématiques, de l'optique, de la médecine. Donc sur ce plan-là, en fait, les Arabes ont été très longtemps en avance sur les Européens. Pour autant, ces connaissances ne leur ont pas permis d'élaborer ce qu'on a appelé la science moderne dès le Moyen Âge. Donc on voit que cet héritage grec, eh bien, certes, ça a contribué, mais ce n'est pas une explication suffisante. Donc il nous faut d'autres éléments. Deuxième explication de la révolution scientifique moderne, c'est la mise en avant de l'expérimentation. Alors ça, sans doute, ça nous explique pourquoi les Grecs, eux, n'avaient pas élaboré la physique moderne, la science moderne. C'est parce que ils ne recouraient pas de façon systématique à l'expérimentation pour perfectionner leurs théories et surtout pour corriger leurs erreurs. Si vous voulez, chez les anciens Grecs, il y avait plutôt une réticence à recourir à une méthode expérimentale de confrontation des hypothèses à des tests, à des observations empiriques. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'y recouraient pas. On peut penser par exemple à quelqu'un comme Aristote. Aristote considère que la connaissance part de l'expérience. Et Aristote, c'est quelqu'un qui a beaucoup eu recours à l'expérience, l'observation, notamment dans ses traités biologiques. Hein, il a fait énormément d'observations des animaux, de leur façon de se reproduire, il a essayé d'observer leur organisme. Donc, chez Aristote, il y a une mise en avant de l'expérimentation, mais enfin plutôt de l'observation. Justement, c'est pas encore de l'expérimentation, c'est plutôt de l'observation. Et en fait, les Grecs développaient un petit peu séparément ce qui relevait de l'observation, voilà, comme Aristote, qui regarde comment les animaux se reproduisent, comment sont constitués leur organisme, et de l'autre côté, les théories, comme les théories mathématiques, mais ils n'établissent pas de lien entre les deux. Hein, ils ne voient pas comment l'observation des phénomènes peut servir à corriger des théories. Et ça, c'est plutôt à la Renaissance et encore à l'âge classique, c'est-à-dire au XVIIe siècle, que l'expérience va acquérir un nouveau statut, un rôle pour tester et corriger des théories élaborées par les savants. Et ça, notamment, c'est un penseur anglais, un philosophe et savant anglais qui s'appelait Francis Bacon, qui donc fin du c'est un auteur de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, qui va mettre en avant le rôle de l'expérience qui doit permettre de se libérer des préjugés et d'établir des vérités solides qui ont été vérifiées justement par une expérience. Il faut préciser un petit peu le sens qu'on va entendre par l'expérimentation au sens moderne. L'expérimentation, c'est pas juste observer les choses, hein, c'est pas juste se contenter de regarder comment se déroule un phénomène. L'expérimentation, c'est vraiment une méthode d'investigation dans les sciences qui va permettre de tester une hypothèse. On avait vu, hein, une hypothèse, c'est quoi? C'est un énoncé qui propose une explication à propos d'un phénomène, mais qui est juste supposée. On ne sait pas encore si elle est vraie ou fausse. Donc il faut la tester. Et c'est à ça que sert l'expérimentation, c'est à tester l'hypothèse. Donc ça impose de recourir à plusieurs étapes. On identifie un phénomène que l'on cherche à connaître, voilà, par l'observation. Bon, alors, soit on élabore une théorie, ou en tout cas on s'appuie sur des théories préexistantes, des observations déjà effectuées, et on émet à partir de ça une hypothèse concernant les facteurs déterminant le phénomène et les fonctions de ces facteurs. Et puis ensuite on va mettre en place un dispositif expérimental suivant un protocole, c'est-à-dire on va suivre un certain nombre d'étapes qui pourront être reproduites par d'autres, et on va provoquer de façon délibérée et contrôler le phénomène en faisant varier des facteurs. C'est-à-dire, voilà, par exemple, si ces expériences importantes qui sont menées au XVIIe siècle, c'est sur les gaz. On fait varier, par exemple, la température et la pression pour voir l'effet que ces différents facteurs ont sur le phénomène. Et en fonction des résultats de notre expérience, eh bien, on va pouvoir dire si notre hypothèse était correcte ou pas, et si l'expérience ne valide pas l'hypothèse, eh bien il faut y renoncer ou il faut la corriger. Et donc ça, cette méthode expérimentale, elle permet de tester des théories et justement de réfuter des théories qui ne marchent pas. Parce que si on ne recourt pas à l'expérience, on peut développer toute une théorie et la garder alors qu'en fait elle peut être complètement fausse et sans jamais la remettre en question. Donc c'est pour ça que l'expérimentation joue un rôle très important dans le développement scientifique. Elle permet d'éliminer les fausses théories et si ce n'est de vérifier de façon absolue, mais au moins d'étayer, de corroborer des théories valides. Alors, cette explication par la mise en avant de l'expérimentation, elle est importante, mais encore une fois, elle n'est pas suffisante, parce que, encore une fois, avant les Européens, les Arabes ou les Chinois, eh ben, ils avaient une nette avance sur le plan scientifique, sur les Européens, parce qu'ils recouraient à l'expérimentation, en particulier dans le domaine médical. Voilà, le domaine médical, c'est vraiment une science qui avait été beaucoup élaborée par les Arabes, par les Chinois dès le Moyen Âge, et ils étaient très en avance sur les Européens, ça c'est très clair, hein. Il y avait vraiment des connaissances que n'avaient pas les Européens, mais c'est aussi parce que eux admettaient de recourir à l'expérimentation, alors que en Europe, dans le monde chrétien, c'était quand même assez mal vu de faire des expériences, en particulier sur les êtres vivants. C'était quelque chose qui était considéré comme mal vu parce que c'était considéré comme une atteinte aux êtres vivants qui, d'une certaine manière, appartiennent à Dieu. Voilà, on n'avait pas le droit de disséquer des corps, en particulier des corps humains, voilà, c'était très mal vu. Tandis que l'expérimentation, elle pouvait être admise dans d'autres civilisations, et d'ailleurs ça avait été préconisé dès l'Antiquité, par exemple, par quelqu'un comme Galien. Galien, c'était un savant grec qui, par exemple, disait, bah, pour découvrir la fonction d'un organe ou d'un nerf, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va le sectionner, on va provoquer délibérément une altération dans un organisme, et ça va permettre de comparer l'état dysfonctionnel et l'état normal. Et donc on va dire, bah, vous voyez, si on coupe cet organe, il y a telle fonction qui ne marche plus dans l'organisme, donc ça nous permet de montrer à quoi sert cet organe. Donc il y avait déjà un peu l'idée d'expérimentation, et seulement les Européens, eux, pendant longtemps, n'y avaient pas eu recours, et c'est vraiment le 16e, 17e siècle que cette idée d'expérience, surtout d'expérimentation, va revenir, mais on voit que c'est, encore une fois, c'est pas une expérience, c'est pas une explication suffisante. C'est un élément important de la révolution scientifique, mais il faut encore autre chose. Troisième explication, alors ça c'est peut-être un peu plus surprenant d'une certaine façon, c'est le rôle qu'ont eu les idées religieuses et politiques en Europe. Et donc ça c'est un plan sur lequel les Européens du XVIe et XVIIe siècle se distinguent aussi bien des anciens Grecs que des autres civilisations qui leur sont contemporaines. Eh bien, c'est sur le plan, voilà, idéologique, d'une certaine façon. L'idéologie qu'on va prendre ici comme le système des idées politiques, religieuses, sociales, voilà, c'est la façon dont on se représente le monde. Bon, eh bien, là, il y a une différence importante. Et une idée importante qui émerge au XVIIe siècle, en Europe, et qui va faire la spécificité de la science moderne, c'est l'idée de loi de la nature. C'est l'idée que les phénomènes naturels sont gouvernés par des lois, c'est-à-dire des régularités, hein, des régularités qui peuvent être traduites sous la forme d'équations mathématiques qui sont comme des lois, c'est-à-dire comme des lois. Une loi, qu'est-ce que c'est au départ? Une loi, c'est un concept qui vient du droit, hein, c'est pas un concept, c'est le contexte d'origine d'une loi, c'est un énoncé qui nous dit voilà comment doivent être les choses, comment les choses doivent se passer. Et en fait, cette idée que la nature elle-même est gouvernée par les lois, de la même façon qu'une société est gouvernée par des lois, c'est une conception qui fait écho aux idées religieuses de l'époque en Europe. Alors, et ça vient aussi de la conception judéo-chrétienne. Cette conception judéo-chrétienne, bah, clairement, les Grecs et les Chinois, ils ne l'avaient pas, hein. Ça, c'est vraiment une spécificité de la pensée européenne. Dans la représentation judéo-chrétienne, Dieu, il est conçu un petit peu comme un souverain, comme un législateur. C'est quelqu'un qui il gouverne le monde, il a créé le monde, mais il le gouverne en lui imposant des lois, c'est-à-dire des règles que les êtres sont obligés de suivre. Et c'est au travers de ces lois qu'il gouverne le monde. Et cette représentation, elle a peut-être influencé l'idée que la nature elle-même est gouvernée par des lois générales et impersonnelles. Voilà. On prend par exemple Newton, qui est donc le grand fondateur de la physique moderne. Newton, il élabore dans ses principes mathématiques de la philosophie de la nature les lois des mouvements des corps dans l'espace, notamment la loi de la gravitation universelle. Bon, et Newton, c'est quelqu'un qui en même temps pense que à l'arrière-plan de ces lois, c'est Dieu qui a institué ces lois. C'est Dieu qui a institué des règles de la nature que les corps sont obligés de suivre. Les corps de l'espace sont obligés de se plier à ces lois. Et le rôle du savant, c'est de découvrir les lois que Dieu a imposées à la nature. Bon. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette idée d'une nature gouvernée par des lois, donc qui en même temps est héritée un petit peu de la religion, elle fait aussi fortement écho à des idées politiques qui sont importantes à cette époque dans l'Europe du XVIe, XVIIe siècle. Il y a des changements politiques importants qui s'opèrent, disons, à la Renaissance et à l'âge classique. Pourquoi? Parce que la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, en Europe, ils sont marqués par le déclin du système féodal. Le système féodal, c'est le système dans lequel le pouvoir politique se trouve divisé entre des seigneurs. chaque seigneur, donc il y a, bien sûr, il y a des royaumes, donc il y a un roi à la tête du royaume, mais en fait, le royaume est lui-même divisé en parcelles, en fiefs, en domaines, qui sont contrôlés par des seigneurs, qui sont dépendants les uns des autres, par des liens de fidélité personnelle. Alors, au sommet de ces chaînes de fidélité, il y a le roi, mais le roi, il ne gouverne pas tout seul, d'une certaine façon. Le roi, il est obligé de composer avec les souverains, il n'est pas le seul à gouverner, et puis, surtout, bon, bien sûr, lui, il a son domaine où il fixe comment les choses doivent se passer, mais dans chaque fief, dans chaque domaine, le seigneur, il est un petit peu, il gouverne aussi un petit peu son domaine à sa façon. Bien sûr, il doit obéir au roi, mais il a aussi son gouvernement interne d'une certaine façon. Bon, ben ce système politique-là, il va s'effacer progressivement. Alors, dès la fin du Moyen Âge, mais ça va vraiment s'affirmer au XVIe, XVIIe siècle. Il est progressivement remplacé par celui de l'État. L'État moderne. Et dans l'État moderne, le pouvoir, au lieu d'être divisé comme ça entre des seigneurs, il est concentré entre les mains du gouvernement. Alors, ça s'explique pour tout un tas de raisons. C'est parce que y a une affirmation du pouvoir royal contre les seigneurs. Hein. C'est un phénomène qui a pris plusieurs siècles à se faire, mais c'est vraiment 16e, 17e siècle que dans des pays comme la France, l'Espagne, l'Angleterre, voilà, que ce pouvoir va vraiment s'affirmer de façon très très solide. Et donc le gouvernement, il va exercer son autorité par l'intermédiaire de lois impersonnelles. Hein, donc des règles qui s'adressent à tous. Tous les personnes qui vivent sur le territoire obéissent aux lois de l'État. Hein, et ces lois impersonnelles, elles remplacent les liens de fidélité personnelle qui existaient dans le féodalisme. Dans le système féodal, voilà, le roi, il avait des liens avec tel et tel seigneur qui lui avait juré fidélité, et donc quand le roi entre en guerre, bah, le seigneur qui lui avait juré fidélité se mettait à son service, et de même, chaque seigneur, il avait des vassaux qui lui juraient fidélité, donc c'était un petit peu comme ça qu'on gouvernait, c'était par des liens personnels. Et bien, avec l'État moderne, ces liens personnels disparaissent, d'une certaine façon, ils sont remplacés par des règles qui valent pour tous. Donc, et l'État, ça c'est notamment un penseur anglais du XVIIe siècle qui s'appelle Thomas Hobbes, qui nous dit l'État c'est un petit peu comme un dieu artificiel régnant sur ses sujets. Et donc là, cette idée politique de l'État qui gouverne tout son territoire par l'intermédiaire de lois impersonnelles, où chacun est obligé d'obéir quoi qu'il arrive, ben ça aussi ça a un peu influencé les idées des savants, notamment voilà, on pense à Newton qui nous dit bah, Dieu gouverne la nature, non pas en ordonnant à chaque être déplace-toi comme ci, déplace-toi comme ça, non, Dieu a institué des lois universelles qui s'appliquent à tous les corps de l'espace et auxquels tous les corps de l'espace sont obligés de se conformer. Et donc on voit que cette idée de loi de la nature, eh ben, en fait elle a une origine aussi dans les idées religieuses et les idées politiques. Et donc ce concept politique et juridique et religieux de loi, il a pu être transposé d'une certaine façon, en tout cas il a pu exercer une influence sur la façon dont les savants européens ont conçu la nature. Voilà, donc. Enfin, bon, quelle autre explication pourrait mobiliser? Une autre explication, elle nous renvoie plutôt aux transformations économiques de l'Europe à la Renaissance. Voilà, c'est une autre explication là, qui est plus politique et idéologique, qui est vraiment économique. C'est une autre caractéristique de l'Europe de la Renaissance qui tient au changement des conditions matérielles, hein, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles on produit des richesses. Et en fait, l'Europe de la Renaissance, elle est marquée par la naissance de ce qu'on a appelé plus tard le capitalisme. Alors, bon, à l'époque, c'est vraiment le tout début. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde dans son ensemble fonctionne selon une économie capitaliste. Bon, à ce moment-là, ça concerne vraiment quelques cités, hein, notamment des cités d'Italie du Nord, de Belgique, de Hollande. Et donc, dans ces cités-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le développement du système bancaire qui va financer à crédit des entreprises privées, des entreprises qui vont chercher à accumuler des profits. Et ça change, si vous voulez, cette logique par laquelle on accumule des richesses pour les réinvestir, pour grossir encore plus, pour faire encore plus de profit. Ben ça, c'est une logique économique nouvelle. Parce que la noblesse, qui était encore à cette époque-là l'élite dominante, la noblesse, elle ne fonctionnait pas sur ce système-là. La noblesse, elle possédait des terres. Elle les faisait exploiter par des paysans et elle se servait de ces ressources pour se construire des châteaux, faire la guerre. Mais il n'y avait pas de logique de réinvestissement, il n'y avait pas de logique de profit. Donc ça, c'est vraiment une logique qui émerge dans certaines cités européennes, notamment voilà, l'Italie du Nord, la Belgique, la Hollande. Une logique capitaliste, une logique capitaliste qui vise à accumuler des richesses. Et donc cette logique économique, elle favorise la coopération entre la recherche scientifique et le développement technologique. Avec cette idée que la recherche scientifique et le développement technologique, ils doivent être mis au service de la maximisation des profits des entreprises privées. C'est-à-dire que vous allez avoir une incitation de ces entreprises à chercher à développer des techniques, à chercher à développer les connaissances pour devenir plus riche. Donc ça, c'est une nouvelle logique, bah, qui émerge en Europe et qu'on ne retrouve pas dans d'autres civilisations. Hein, par exemple, voilà, en Chine, voilà, qui était encore une fois, hein, le pays qui était de loin le plus développé tout au long du Moyen Âge, bah, en fait, la science et la technique, elles n'étaient pas du tout utilisées dans un but, voilà, d'accumulation des profits. La science et la technique, elles étaient contrôlées par les fonctionnaires, hein, en fait. En Chine, l'élite politique et économique, c'était ce qu'on appelait le mandarinat. Le mandarinat, c'était un système de fonctionnaires, de bureaucrates. Ce n'étaient pas des aristocrates, c'est-à-dire des propriétaires de terres, ni des bourgeois capitalistes, donc qui ont des entreprises privées et qui cherchent à faire des profits. Non, l'élite politique, c'était une bureaucratie dans laquelle les personnes étaient recrutées par concours. Voilà, en fait, c'est le principe du concours, c'est-à-dire un examen qui permet d'être recruté par une organisation. Ce sont les Chinois qui l'ont inventé il y a très longtemps, en fait, ils l'ont inventé dès l'Antiquité. Et ça fonctionnait encore comme ça à ce moment, à l'époque de la Renaissance, la fin du Moyen Âge, voilà, de la Renaissance, l'âge classique, la Chine fonctionnait encore comme ça. Ce système était assez efficace. Hein, il a permis à la Chine de se développer, de s'organiser, d'être déjà un grand pôle de civilisation bien avant les autres peuples. En fait, c'est aussi grâce à ce système-là. Mais l'idée, c'est que cette élite bureaucratique qui organisait la Chine, elle n'était pas du tout incitée à faire des profits. Alors qu'en Europe, on a un bond technologique en quelques décennies, la Chine, elle a plutôt connu une sorte de développement constant, mais lent, hein, si vous voulez, régulier. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'était lié au. Simplement, il s'agissait de faire bien fonctionner l'administration, bien aménager le territoire, bien nourrir la population en contrôlant les rendements. Voilà. Donc, mais il n'y avait pas de logique de profit. C'est-à-dire que les bureaucrates, ils n'avaient aucun intérêt à s'enrichir plus particulièrement, puisque de toute façon, ils n'avaient pas une richesse privée. La richesse qui était accumulée, c'était la richesse de l'État. Alors bien sûr, il y avait de la corruption, ceci, cela, ça, comme ça existe dans tout système. Mais globalement, ce n'était pas leur richesse qu'ils contrôlaient. Donc, ils n'avaient pas d'intérêt à utiliser la science, à chercher à développer la science de façon très importante, de façon très, très profitable, parce qu'ils n'allaient pas en retirer un intérêt supérieur. Leur intérêt, c'était juste que l'État fonctionne bien, que la bureaucratie tourne, et rien de plus. Alors qu'en Europe, on avait, voilà, à partir du XVIe, XVIIe siècle, cette bourgeoisie des villes qui émerge et qui veut faire de grands profits. Et donc, pour faire de grands profits, elle va utiliser la science, elle va développer la science, mais dans un but intéressé. Donc, ce qu'on peut voir, donc on a pu dégager quatre explications, on pourrait en trouver d'autres, hein, mais c'est quatre explications assez importantes. Bon, ce qu'on peut en tirer, c'est cette idée que aucun phénomène historique ne peut être expliqué par une cause isolée. Hein. C'est important, c'est que les phénomènes humains, ce sont des phénomènes très complexes qui résultent de l'intrication entre des facteurs multiples. Donc c'est pour ça que pour comprendre l'émergence d'un phénomène social, hein, voilà la révolution scientifique et de nouvelles représentations qui l'accompagnent, de nouvelles façons de voir le monde, eh bien, il est nécessaire de faire appel à plusieurs explications. On ne peut pas dire qu'il y en ait une exclusive, hein, c'est plutôt ces différentes explications, elles se sont entrecroisées, puisqu'on voit que dans d'autres cultures, eh bien, certaines explications, certains facteurs se sont retrouvés, mais pas d'autres. Donc ce qui a fait que, sans doute, l'Europe a opéré cette révolution scientifique, ben, c'est la combinaison entre ces différentes causes. Voilà, on voit dans telle autre civilisation, il y avait tel et tel facteur, mais il n'y avait pas tel autre. Alors qu'en Europe, bon, ben, ça s'est fait comme ça, hein. Ces différents facteurs se sont combinés et ont rendu possible cette révolution scientifique qui a permis l'émergence de la science telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, même si, bon, bien sûr, elle a beaucoup évolué depuis le XVIIe siècle, mais si vous voulez, les grands traits de la science qu'on connaît aujourd'hui, ils émergent à cette période, autour du XVIe, XVIIe siècle, en Europe, et c'est lié à ces différents facteurs, cette imbrication entre ces différents facteurs que nous avons identifiés.